AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les grandes sagas historiques dans le sillage des rois maudits. Nous sommes en 1955, voici Le Roi de Fer, le premier volume de la saga de Maurice Druon. Un tronc entier couché sur un lit de braise incandescente flambait dans la cheminée. Les vitraux verdâtres, cloisonnés de plomb, filtraient un jour de mars avare de lumière. Assise sur un haut siège de chêne, en dossier surmonté des trois lions d'Angleterre, la reine Isabelle, le menton sur la paume, contemplait vaguement les lueurs du foyer. Elle avait 22 ans. Druon termine sa fresque en 1977, quand un roi perd la France. 1955-1977, oui, la série avait 22 ans. Gérard Jean-Jambre, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir sur ce qu'est un roman historique, la définition du genre est bien difficile. Qu'est-ce qu'un roman historique ? Vous l'avez dit, la définition est bien difficile. Pour le situer, il faut, je crois, remonter au début du 19e siècle. Certes, il y a des romans ou des récits où l'histoire joue un rôle important avant, mais c'est avec l'irruption du phénomène Walter Scott que le roman historique va véritablement se constituer comme un genre littéraire, et un genre littéraire qui en France va être particulièrement informé, porté par la Révolution française et par l'Empire. C'est le rapport à l'histoire qui est la suite, la conséquence de ces deux événements majeurs qui va influer sur la constitution du roman historique en France. En 1825, dans le journal Le Globe, il est écrit « Aujourd'hui, on n'écrit plus que des romans historiques ». Entre 1815 et 1832, on estime que entre un quart et un tiers de la production romanesque relève du genre historique, c'est dire l'ampleur de ce courant. Et dans le même temps, comment le définir ? Oui, comment le définir ? Parce que dans le même temps, il y a des livres d'histoire. Oui. Alors, il y a des livres d'histoire. Alors, dans son De la littérature, Madame de Staël, en 1800, inclut parfaitement l'histoire dans la littérature. L'histoire est un genre littéraire qui entreprend le récit des siècles passés. Le roman historique, par rapport à l'écriture historique, le roman historique, lui, va évidemment prendre le parti de la fictionnalisation avec des solutions qui vont être différentes. Est-ce que on met plutôt des personnages appartenant à l'histoire et des personnages fictifs, ou est-ce qu'on va donner le premier plan aux personnages fictifs pour construire une intrigue qui va permettre une traversée du temps de l'histoire. Le point commun au début du 19e siècle, c'est que l'histoire que nous appelons aujourd'hui la science historique s'écrit sur le mode du récit, et que le roman historique, lui aussi, s'écrit sur le mode du récit, mais du récit fictif. Donc, ça ne va commencer à se séparer que dans le cours du 19e siècle. Pour prendre un exemple assez éloquent, Lors de la parution des premiers volumes de l'histoire de France de Michelet à partir des années 1830, la critique va saluer les qualités d'écriture de Michelet, le souffle épique, la grandeur de l'entreprise. Et puis, au fur et à mesure que les volumes vont paraître, eh bien, la critique va prendre ses distances en disant « mais ce n'est pas vraiment de l'histoire, puisque l'histoire est en train de se constituer comme science ». Et c'est ici que, disons, la divergence va apparaître. Mais pendant plusieurs décennies, écriture historienne et écriture du roman historique vont entretenir beaucoup de parenté, de similitude. À quel moment vraiment la rupture devient une évidence ? D'ailleurs, fait-elle évidence, cette rupture ? Je ne crois pas qu'elle fasse vraiment évidente, mais on pourrait situer ça dans la décennie 1840-1850. Et justement, au moment de réfléchir... Prenez par exemple... Oui. Allez-y. Si on prend le titre d'Augustin Thierry, Récit des temps mérovingiens, n'est-ce pas, dans ces années-là, on voit très très bien que la conception même de l'écriture de l'histoire est encore très très marquée par le récit littéraire. Eh bien, laissons la parole à quelqu'un qui a réfléchi à la question, vu qu'elle a écrit. Alors, elle a écrit des romans, c'est des romans historiques, mais ou pas des romans historiques, Marguerite Yourcenar. Quel est donc ce qui distingue, selon vous, le romancier historique de l'historien ? La situation de l'historien et celle du romancier historique, telle que je la comprends, semble presque identique. Et il y a pourtant une assez grande différence. Le grand historien est un des grands phénomènes intellectuels à toutes les époques de l'histoire. Les règles de son jeu, pourtant, sont très différentes de celles du romancier. L'historien, comme le romancier qui veut faire œuvre d'historien, doit tâcher, naturellement, de tout savoir sur le personnage dont il parle. Et il a devant lui tout un attirail de faits qu'il nous présente, qu'il doit nous présenter avec lucidité, si les très grands historiens parmi lesquels il lui arrive souvent de nous laisser choisir. Il n'est pas obligé, je dirais même que les règles du jeu lui interdisent, d'entrer à l'intérieur de son personnage pour le recréer. Le romancier, au contraire, doit refondre en quelque sorte ces documents figés, que sont les documents historiques, et les faire passer au feu de sa propre émotion, de sa propre personnalité, et leur rendre cette fluidité qu'ils avaient au moment où ils étaient simplement de la vie vécue. Marguerite Yourcenar qui s'exprime en 1971. Gérard Jean-Jambre, vous êtes critique littéraire, professeur émérite de littérature française à l'Université de Caen. Vous avez écrit un ouvrage consacré au roman historique et puis d'autres ouvrages, notamment sur Balzac. Et au moment, justement, de poser cette question du roman historique tellement complexe, et aujourd'hui encore, nous le sentons bien, c'est une narration. L'histoire est une narration. Alors dès lors, quelle est la frontière entre le roman, le livre d'histoire ? Marguerite Yourcenar nous parle d'une certaine forme de liberté. La science historique impose des règles. Eh bien, aller vers le roman donne un petit peu de liberté. Oui, bien sûr, mais le roman historique, s'il veut être au plus près de l'histoire, doit savoir canaliser cette liberté. Et l'historien peut également choisir ses moments de liberté. Je prends pour exemple Mona Ozouf, qui dans son ouvrage sur Varenne, explique à un moment donné de manière tout à fait claire pour le lecteur qu'elle prend le parti d'imaginer des dialogues qui ont pu se tenir dans la berline qui a emmené le roi et la reine. Puisque évidemment, nous n'en savons rien, mais elle pense que l'on peut redonner une vie historique à ces conversations dont elle sait très bien qu'elles sont imaginaires, mais qu'elles sont plausible. Je crois que le roman, la liberté du romancier consiste à rester dans le vraisemblable de l'histoire. Et cela exige de la part du romancier un énorme travail de documentation, de réflexion, de plongée dans l'histoire. Gérard Jean-Jambre, vous avez évoqué ces dialogues, c'est essentiel parce que bien souvent, au moment où nous feuilletons le livre, si nous voyons beaucoup de dialogues, évidemment reconstitués, nous nous sentons assez éloignés de la démarche de l'historien, de l'historienne qui ne peut pas inventer des textes. C'est vrai que le dialogue, c'est un des repères souvent. C'est vrai. Et une autre question qui se pose, c'est comment écrire le dialogue? J'entends par là, quelle langue va-t-on utiliser? Puisque pour le lecteur contemporain, le romancier ne peut pas écrire dans la langue telle qu'elle était pratiquée au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, voire au XIXe siècle. Faut-il prendre le parti d'une langue moderne? Faut-il tenter, comme d'autres l'ont fait, je pense évidemment à Robert Merle dans Fortune de France, faut-il tenter de d'écrire en utilisant la langue du XVIe siècle et du XVIIe siècle, en y mêlant d'ailleurs de l'occitan, pour donner une sorte de couleur locale du dialogue? Robert Merle, mais quelle lecture Fortune de France, est un véritable délice du milieu du XVIe siècle, et puis ça se prolonge jusqu'au XVIIe siècle, et puis évidemment les Rois maudits avec Maurice Druon, alors Robert Merle, Maurice Druon, des grands noms, mais nous avons la chance aujourd'hui dans le cours de l'histoire d'avoir quelqu'un qui sait. Alors, je ne peux pas dire essayer, puisque la réussite est là, mais qui s'est jeté dans cette aventure, celle de l'écriture, de l'histoire, d'une autre manière. Bart van Loo, bonjour. Bonjour. Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l'Europe, publié chez Flammarion. Justement, quand on entend, alors évidemment, ce que nous dit Gérard Jean-Jambre, mais aussi Marguerite Yourcenar, vous vous retrouvez là-dedans, dans la démarche que vous avez adoptée pour écrire ces Téméraires. Là, nous nous situons dans cette Bourgogne. Mais justement, fabuleuse. C'est l'époque historique entre, c'est le trou que j'essaie de combler qu'il y a entre les Rois maudits et Fortune de France, historiquement parlé, chronologiquement parlé. Mais je n'ai pas écrit de roman. Et c'est vrai qu'en général, les livres d'histoire, surtout en France, sont plutôt universitaires. Et de l'autre côté, on a les romans historiques. Et je crois que c'est possible d'être un peu entre les deux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai voulu écrire un livre d'histoire qui se lit à plat ventre. Ça, c'est l'expression de Georges Perec. Il lisait à plat ventre Dumas, Zévaco. On n'a pas parlé de Zévaco. Pour moi, Zévaco, c'est quasiment le même niveau que Druon et Robert Merle. Moi, j'ai adoré. Ce plaisir qu'on lit en s'instruisant, qu'on s'instruit en riant, en s'amusant. Mais quand même, mon livre, c'est le fruit d'une recherche de 4 ans. Mais il y a certaines techniques du monde de la fiction que j'applique et que j'ai voulu. Je veux que le livre lise puisse lire mon livre à plat ventre. Oui, déjà, c'est vrai que c'est une très belle ambition, donner du plaisir au lecteur, à la lectrice. C'est super important parce qu'il faut y penser au moment d'écrire un livre. Et justement, vous évoquez tous ces grands noms, et notamment Michel Zévaco, c'est les Pardaillans, j'ai adoré, Cap et Épée, etc. Mais avec les Téméraires, je le disais, au moment de feuilleter l'ouvrage, nous regardons, y a-t-il des dialogues, vous avez fait ce choix de ne pas mettre. Il y a des dialogues dans mon bouquin, c'est des dialogues que j'ai trouvé dans les chroniqueurs. Donc, c'est justement le défi, c'est je ne dénature pas la vérité historique, si elle existe, la vérité. Je n'invente rien. Mais tout cela, ça m'oblige à être inventif. Avec des flashbacks, des cliffhangers, des associations, des anecdotes, le début des chapitres, immédiat res, prendre le lecteur à contre-pied, etc. Et ça c'est bon. C'est une façon d'aborder l'histoire avec l'enthousiasme. Finalement, j'ai 48 ans, je l'ai écrit avec, la force de l'âge mûr, disons, mais quand même avec cet esprit du gamin qui a 15 ans. Je pose des questions de quelqu'un qui a 10 ans. Quand il mangeait à table, mais il le faisait comment? Il y a un tournoi, mais quelles sont les règles du jeu? Toutes les questions que quelqu'un à 10 ans se pose. Et puis, quand on écrit un tel ouvrage, nous sommes évidemment héritiers de ce qu'il y a avant. Parce que au moment où Maurice Druon écrit Les Rois maudits, il a lu Dumas. Quand Robert Merle écrit Fortune de France, il a lu Maurice Druon. Vous, Bart van Loo, vous êtes aussi l'enfant de toute cette génération liée à la télévision, au cinéma, aux séries. Et dans le mode de narration, évidemment, nous sommes influencés par toutes ces séries. Nous pourrions les citer tant et tant, mais jusqu'à Game of Thrones, il y a une narration qui est très importante. Ça a une influence aussi. Bah, évidemment, vraiment, quand je parle de mon livre, je parle d'un Game of Thrones, en quelque sorte. Et donc, tout ce que je viens de dire, c'est très important. La structure, la forme, le lyrisme, le côté littéraire du livre. Mais d'abord, n'oublions pas, il faut un sujet en or. C'est ça, quand même, le plus important. Il faut un sujet duquel on tombe amoureux. C'est quasiment une relation amoureuse. Est-ce que je vais vivre 4 ans avec ces ducs de Bourgogne? Oui, je l'ai fait. C'est une relation intellectuelle aussi, parce que j'ai fait quasiment une thèse en même temps. Et donc, trouver ce sujet est très important. Et là, je suis tombé sur ces ducs de Bourgogne qui ont été négligés dans l'historiographie française, qui ont été marqués au fer rouge comme les rebelles, les mauvais, qui sont balayés sous le tapis national. On n'en parle pas assez, je crois. Et on n'en parle pas surtout de leur importance dans le Nord, dans mon pays d'où je viens. Donc, juste pour vous expliquer ça, parce que je ne sais pas si en France c'est reconnu, si on regarde la carte de la fin du Moyen-Âge en Europe, il y a 2 puissances. On a le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Entre les deux, une frontière qui est faite pour rester éternellement. Dans le Nord, nous, on existe. Il y a la Hollande, la Flandre, le Brabant, mais ou bien on appartient à la France, ou bien, disons, à l'Allemagne. Et puis, se produit ce miracle, oublié un peu en France, que entre ces deux superpuissances, on voit l'apparition, au cours des 14e, 15e siècles, d'un nouvel État, ce que j'appelle, moi, les plats pays de Low Countries, de l'Irlande, le berceau de ce qui deviendra la Belgique et les Pays-Bas. Et c'est le fruit du travail de ces ducs de Bourgogne, autrement dit. C'est une empreinte indélébile de Bourgogne en Europe. Encore autrement dit, moi, belge, j'ai 48 ans, belge et néerlandophone en flamand, quoi. Je suis inexplicable sans les ducs de Bourgogne. Et les ducs de Bourgogne sont inexplicables sans le Nord. Sans eux, sans doute, on n'aurait pas pu créer plus tard la Belgique et les Pays-Bas. C'est-à-dire, pour le dire encore d'une autre façon, vous, sans les ducs de Bourgogne, vous n'aurez jamais eu vos blagues belges. C'est un sujet énorme. Et en même temps, quand je raconte cette évolution géopolitique majeure de niveau européen, il y a, c'est un Game of Thrones, c'est plusieurs épisodes de Game of Thrones avec des bâtards, avec de l'adultère, des assassins, des guet-apens, des banquets fantastiques. Il y a que les dragons qui manquent, mais pour une bonne raison. Parce que tout ce que je dis s'est passé vraiment. C'est un Game of Thrones qui s'est déroulé vraiment. Et troisième et dernière couche de ce contenu envoûtant, c'est que j'ouvre une malle à trésor. Je parle des Klaus Luther, qu'on a oublié, le Michel-Ange oublié des plats pays, mais aussi des Jan van Eyck, qui est impensable sans les ducs de Bourgogne, Rogier van der Weide. Et donc, on a une histoire, une évolution géopolitique majeure. On a dédoublé d'une histoire de faste et de furie, de beauté, de violence. Et là, je me suis dit, en bon français, on y go, j'y vais. Là, ça peut me prendre 4 ans de ma vie. Et puis, Bart Bandelot, au moment d'évoquer les échos contemporains, c'est vrai que la Bourgogne, déjà, ce n'est pas la Bourgogne, la région que nous connaissons aujourd'hui, ça s'étend vraiment jusqu'à la mer du Nord. C'est un agglomérat de plein de territoires, des entités différentes. Il y a des comtés, des duchés, etc. Dans son ouvrage, Élodie Le Cupre des Jardins, le royaume inachevé des ducs de Bourgogne, 14e, 15e siècle. Et c'est aussi passionnant de voir qu'il y a une recherche universitaire qui s'associe à la diffusion. Il y a cette idée qui est fascinante de se dire, eh bien, au 14e, au 15e siècle, ils ont réussi à tenir avec des peuples qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas tout à fait les mêmes traditions. Tout a été négocié. C'est un peu une annonce de l'Europe d'aujourd'hui. Non, mais justement, si par exemple Philippe le Bon, disons c'est le troisième, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles Téméraire, Philippe le Bon, on peut considérer comme le père fondateur des plats pays. Lui, il faut l'imaginer. Voilà, il faut quand même imaginer. Il faut l'imaginer sur son trône, dans le palais du Koudenberg, à Bruxelles. Et il est là, avec dans son sac, il a un sac qui est rempli de duchés, de comtés, de principautés, là dans le Nord. Et il se pose une question, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cela? Et alors, il constate assez vite que ça ne suffit pas de mettre des tas de principautés, de duchés, etc. dans un sac pour créer automatiquement un sentiment d'unité. Alors là, juste pour, évidemment, on comprend ça, je dois juste chuchoter « Europe ». C'est une problématique européenne avant la lettre. Lui, comme l'Europe l'a fait et le devrait encore le faire, il va faire des réformes juridiques, financières, très intéressantes, monétaires. Il va créer une unité monétaire, une espèce d'euro avant la lettre, de façon qu'on puisse payer d'Arlon à Amsterdam, à Lille, par Bruxelles, partout avec la même monnaie. Il va même instaurer un début de participation démocratique dans les plats pays avec l'instauration des États généraux. Ben, ça, c'est quand même... on est en 1464, la première fois que les États généraux se réunissent chez nous. C'est le début, c'est la signature de l'acte de naissance des plats pays. Ce qui a été oublié aussi chez nous pour des raisons de roman national. Tout comme chez vous, en France, on a un peu mis de côté les ducs de Bourgogne pour des raisons de roman national. Ils se sont ralliés aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Michel est passé par là et il leur a fait une bien mauvaise réputation. Ça vous pèse toujours, j'ai l'impression. Mais n'oublions pas que vous, on va vraiment jouer comme si j'étais bourguignon. Mais bon, en 1419, c'est Jean sans peur qui d'abord a assassiné Louis d'Orléans, mais lui, il va être assassiné à son tour sur le pont de allez à Montereau, le pont est toujours là maintenant en béton, il y a des camions qui passent évidemment, mais l'endroit où il a été assassiné, où il a reçu la hache de la trahison de la part de la France, des Armagnacs, on peut encore voir cet endroit, sauf il faut chercher une toute petite pancarte qui dit que c'est là en septembre 1419 que Jean sans peur a été assassiné, et quand on se redresse après avoir lu cette petite pancarte, on se retrouve à l'ombre d'une énorme statue équestre de Napoléon. Voilà, la France résumée en une seule image. Et puis, bien là où Louis d'Orléans a été tué à Paris, effectivement, la petite ruelle existe toujours. Il y a toujours un panneau qui indique qu'il a été tué là, parce que c'est notre histoire. Gérard Jean Jambre, au moment où nous parlons de ces romans historiques, il y a, je crois que on peut mettre de côté la nécessité du sérieux, de la recherche comme une évidence. En revanche, ce qui est sûr, c'est la passion sur son sujet. Barthe Van Loo la porte très bien. Et puis, il y a l'écho contemporain. Au moment où vous étudiez ces romans historiques, vous repérez cela sans cesse, un écho toujours très contemporain, pour essayer de comprendre la formation d'un État, pour essayer de comprendre une situation actuelle. Bien sûr. Avant tout, je voudrais dire le plaisir que j'ai pris à lire Les Téméraires, qui se lit avec, je dirais, une sorte de plaisir qui vient de la verve de l'écriture, et on sent à chaque ligne le sérieux de la documentation. Et je voudrais lire un tout petit passage du prologue de Barthe Van Loo. Quand il dit « la vraie vie », lire de gros pavés redonnant vie à des événements vieux de plusieurs siècles, s'insinuer dans la peau d'un personnage, vibrer d'émotions et de tensions en apprenant tout un tas de choses. Bien, je crois que c'est la plus belle définition du roman historique ou du récit historique, puisque Les Téméraires s'inscrit magnifiquement dans cette tradition du récit historique. Alors, le récit historique, tout cela nous parle de nous, bien entendu, mais dès les origines au XIXe siècle, car quelle que soit l'époque de référence qui est traitée dans le roman, il s'agit bien de comprendre d'où l'on vient. Il s'agit bien de comprendre ce qui constitue l'esprit d'une nation ou l'esprit d'un peuple. Par la fiction, on se raconte, et par conséquent, le lecteur retrouve sa part d'identité nationale. Vous évoquiez le roman national. Je suis de ceux qui pensent que le roman national est absolument fondamental pour créer une solidarité morale, intellectuelle, spirituelle entre ceux qui appartiennent à une même nation. Donc, le roman historique ne vaut pas comme évasion, il vaut comme retour sur soi. C'est l'utilisation, effectivement, de ce récit de l'histoire qui pose problème, qui est contesté après la narration de l'histoire. Et c'est vrai que cette expression de roman national a fait beaucoup polémique, et fait aussi polémique. Moi, je considère, c'est vrai qu'il faut souvent l'écarter, parce que c'est une création extrêmement récente des années 1990. Par contre, la certitude qui est là, c'est la narration de l'histoire qui a été portée par Alexandre Dumas, bien sûr, mais il était aidé par Auguste Maquet, parce qu'on ne peut pas travailler seul quand on fait des choses comme ça, enfin, quoique, on ne sait pas. Comment travaillait Maurice Druon au moment d'écrire Les Rois Maudits ? Les Rois Maudits sont un fort bon livre qui se lise d'une façon très agréable, mais ce qui m'intrigue pour moi, critique de cinéma, c'est que je vois le concours de Kessel, de deux autres écrivains, je vois un historien qui est Lacretelle et des script girls. Alors, je vais demander à Maurice Druon simplement... comment il a fait pour travailler avec tant de monde et quelle était dans son esprit l'utilité de tous ses collaborateurs. C'est vous qui avez écrit tout de même. C'est moi qui ai écrit, nous avons tous écrit. Nous avons tous écrit. Quand les ateliers, quand les peintres de la Renaissance avaient de grandes fresques à faire, ils étaient obligés d'avoir recours à des collaborateurs parce que c'était un travail qui ne pouvait pas se faire par un homme seul. Eh bien, c'est exactement la même chose. J'ai eu l'idée d'entreprendre une énorme fresque historique, une énorme fresque épique, et à ce moment-là, pour couvrir ces immenses surfaces et pour faire vivre ces personnages multiples, innombrables de l'histoire de France, tous ces personnages vrais, car ils ont existé, j'ai eu recours à des collaborateurs que j'ai réunis en équipe, en atelier. Mais ce que j'apprécie énormément de la part de mes collaborateurs, c'est qu'ils se soient pliés, pour des hommes qui ont chacun tant de talent et de talent personnel, une personnalité, oui, qu'ils se soient pliés si aisément à la méthode de travail et à l'unité imposée nécessairement par le chef d'équipe. C'est Maurice Druon qui s'exprimait au micro de Monique Berger en 1955, au moment de la parution du premier volume de la saga des Rois Maudits, c'était le Roi de Fer. Vous, Bart Bandelot, vous avez travaillé comment pour les Téméraires ? Là, ça explique comment le rythme de la publication a s'est accéléré des Rois Maudits. Non, malheureusement, j'ai pas eu une équipe de collaborateurs, mais j'ai quand même eu la sagesse, si je peux le dire, de demander de l'aide à un des plus grands spécialistes d'Europe. En France, vous avez Bertrand Schnerp. J'ai vécu pendant des années avec ses livres. Entre-temps, j'ai fait sa connaissance, on a sympathisé. Quel bonheur. Il m'a montré d'ailleurs l'endroit exact où a été assassiné Louis d'Orléans à Paris. Mais moi, je le connaissais pas encore personnellement. Donc, j'ai demandé de l'aide à Wim Blokmans, qui est avec Schnerb, c'est avec encore peut-être Werner Paravicini en Allemagne, parce que voilà, c'est un sujet européen, les ducs de Bourgogne. Et lui, il a relevé le défi, il a accepté, on a échangé des centaines de mails, il a relu mon livre avec un stylo rouge, et à la fin, quand quelqu'un avait trouvé encore un petit détail, pas tout à fait exact dans mon livre, il s'est même excusé auprès de moi. Donc c'est une générosité que j'ai adorée. Et justement pour dire que je ne suis pas à l'opposé de l'écriture universitaire, c'est justement grâce à ces universitaires que j'ai pu écrire mon livre. Mais en même temps, je trouve que, oui, je voulais quand même pas écrire un livre universitaire. C'est pas moi, je suis pas universitaire. Je voulais faire autre chose. Et justement, Wim, il a accepté, il a compris et il m'a aidé. Et puis il y a ce succès évident du roman historique, quel qu'il soit dans cette histoire, qu'il s'agisse de Fortune de France, qu'il s'agisse des Rois Maudits. Gérard Jeanjambre, comment expliquer que dans ces années 1950, il y ait ce tel succès pour des histoires quand même qui ne concernent pas, a priori, les gens des années 50? D'un seul coup, ressurgissent les Valois et c'est un énorme succès d'édition. Je ne sais pas vraiment. Peut-être est-ce dû à ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, dans la suite de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être ce désir d'aller vers des époques antérieures qui, au fond, étaient extrêmement troublées elles aussi, mais renouer avec le fil du temps après ces grandes ruptures, ces grandes déchirures, après ces grandes épreuves. Peut-être est-ce dû à une volonté un besoin de ressourcement. Je crois que à partir du moment où sont proposés aux lecteurs des textes de cette amplitude, on a envie de se retrouver dans à la fois un univers autre, mais en même temps qui est notre univers, en établissant des rapports, des comparaisons, en essayant de retrouver un fil directeur. Je voudrais prendre un autre exemple de grande saga historique qui est celle de Robert Margery sur la Révolution, les quatre volumes qui ont été récompensé en 1963 par le prix de l'Académie française, où on a une fresque révolutionnaire qui anticipe vraiment sur les grandes interrogations à propos de la Révolution qui vont reprendre forme et reprendre vie à l'occasion du bicentenaire. Je dirais que l'histoire, particulièrement chez les Français, l'histoire nous tient à cœur, et nous tient au cœur, nous constitue. Je crois que les Français éprouvent un besoin permanent de se resituer dans l'histoire. Et le roman historique, le récit historique, l'histoire romancée constituent les moyens privilégiés pour les grands lecteurs, pour le grand public, de se retrouver et de se repenser à travers l'histoire. Se repenser à travers l'histoire, je vous rejoins complètement, Gérard Jean-Jambre, et l'émotion est évidente, je le vois bien depuis que cette émission est annoncée, dès qu'il est question des Rois maudits, ce sont des tas de souvenirs de lectures qui apparaissent, de la série dans les années 1970 et plus récemment, d'un téléfilm. Un tronc entier, couché sur un lit de braise incandescente, flambé dans la cheminée. Les vitraux verdâtres cloisonnés de plomb filtraient un jour de mars avare en lumière. Assise dans un haut de siège de chêne au dossier surmonté des trois lions d'Angleterre, la reine Isabelle, le menton sur la paume, contemplait vaguement les lueurs du foyer. Elle avait 22 ans. Ses cheveux d'or, tordus en longues tresses relevées, formaient comme deux anses d'amphore. Elle écoutait une de ces dames françaises lui lire un poème du duc Guillaume d'Aquitaine. « D'amour ne doit plus dire bien, car je n'en ai ni peu ni rien, car plus n'en est qui me convient. » La voix chantante de la dame de parage se perdait dans cette salle trop grande pour que des femmes y puissent vivre heureuses. C'était un extrait des premières lignes du Roi de Fer, donc dans Les Rois Maudits, la série de 2021. C'était une lecture de Lionel Astier. Et là, nous avons le générique de la série des années 1970. Ce qui est fascinant dans cette série-là, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes diffusés pendant un mois. Ce n'est rien du tout. Après, il y a eu des rediffusions. Et pourtant, ils ont marqué les esprits. Bart Van Loo, Les Rois Maudits. Évidemment, au moment où vous écrivez Les Téméraires, vous ne pouvez pas passer à côté, puisque il y a presque cette idée de poursuite de cette aventure. Comment les appréhendez-vous, ces Rois maudits? Il y a toujours la question du texte qui vieillit, du rythme qui est différent. Ça reste encore un ouvrage à lire, de référence. Ben oui, évidemment. Moi, je suis donc belge et néerlandophone, un flamand. Et je me suis marié avec une Française. Et notre première lecture commune, c'était Les Rois maudits. Donc ma femme l'avait offert et moi j'ai adoré du début à la fin, avec des personnages qu'on adore, quelqu'un comme Robert d'Artois qui va tuer pendant la bataille des Éperons d'Or, qui va jouer un rôle aussi dans Les Téméraires, parce que c'est lui qui a un château qui appartient à l'héritage de Marguerite de Flandre, donc c'est qui va être tout à coup dans les possessions de Philippe l'Hardi, puis Philippe le Bon. C'est un château plein d'automates. Et ces automates et ces petites inventions ludiques vont jouer un rôle prépondérant dans les banquets des ducs de Bourgogne. Mais en effet, c'est surtout le plaisir, l'envie de tourner les pages. Parce que là, c'est drôle. Mon livre, j'ai eu le plaisir qu'il a été traduit dans plusieurs langues entre-temps. Et donc, il y a aussi certains, et je dis ça sans sentiment négatif, mais disons, il y a des intellectuels sérieux qui le regardent, qui voient que c'est un peu entre donc le roman historique et les travaux universitaires sérieux, disons que c'est une épopée scientifique. Il y a eu cette critique en Allemagne dans le Süddeutsche Zeitung qui disait qu'il savait pas très bien ce qu'il devait faire de mon livre. C'est un universitaire, je crois, de l'université de Humboldt. Et puis il y a cette petite phrase qui dit: ce livre se lit bien. Ce livre se lit très bien, parfois trop bien. Alors là, c'est intéressant, on est au cœur de ce sujet de est-ce qu'un livre d'histoire qui n'est pas un roman, qui n'est pas Les Rois Maudits, même s'il s'inscrit un peu dans la verbe, est-ce qu'il peut se lire très bien? Ben moi, je crois que oui. Mais j'ai l'impression que même en France, je sens qu'il y a des gens qui sont un peu gênés ou confondus, qui se disent, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir plaisir dans un livre sérieux d'histoire, plein de recherches? Et moi, je dis oui, on peut lire en s'amusant, en s'éclatant. Et là, on constate la différence avec l'Angleterre, où mon livre vient de paraître. Et là, tout de suite, t'as des pages entières dans The Times, The Sunday Times. Il a été, à mon grand plaisir, élu comme un des meilleurs livres de l'année 2021. Mais c'est drôle. On voit qu'en Angleterre, cette bataille s'est déjà faite avant. Mais c'est possible de faire ce genre de livre. C'est possible, effectivement, pour lire des livres d'histoire, pour préparer cette émission. Nous sentons bien qu'il y a un vrai souci accordé à la manière de raconter l'histoire par les historiens, par les historiennes, parfois moins, effectivement. Et puisque nous parlons de traduction, Bart Van Loo, Les Téméraires, c'est le titre français, c'est pas le non. titre. Parce qu'il aurait dû s'appeler Les Bourguignons. Mais alors pour les Français, Bourguignons, sous-titre Les Pères Fondateurs des Plats Pays, parce que ça, c'est une histoire européenne, mais c'est justement cette création des Plats Pays qui est un des fils rouges. Flammarion, déjà, quel bonheur qu'un flamand soit traduit par la grande maison d'édition de Flammarion, qu'il prennent le pari de traduire 700 pages, c'est pas rien, c'est un risque. Et alors, on a discuté, évidemment. Il se dit, c'est pas possible. Alors, on a évoqué des tas de titres. Finalement, c'est ma femme qui a trouvé Les Téméraires. Il n'y a qu'un téméraire dans l'histoire de France, dans l'histoire européenne, c'est Charles le Téméraire. On a eu l'idée de mettre au pluriel Les Téméraires. Puis le sous-titre que j'ai trouvé, moi, Quand la Bourgogne défiait l'Europe, c'est vrai, défie la France, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, et défier dans le trésor de la langue française, si on regarde bien, au Moyen-Âge, a le sens de suspendre le lien féodal. Donc finalement, ce titre le dit tout à fait. La Bourgogne suspend le lien féodal. Et donc, je suis très content. Puis, Marie Leroy de Flammarion, elle a eu le culot de choisir cette magnifique tapisserie de mille fleurs qui se trouve à Berne. Aller à Berne, c'est magnifique. Et de le mettre en couverture, ce qui fait que c'est pas un livre d'histoire classique qu'on voit souvent. C'est une tête ou une miniature. Là, c'est une tapisserie. Ça évoque le faste de ces ducs de Bourgogne et notamment de Charles le Téméraire, qui est le dernier. Ils ne sont pas nombreux, mais leurs noms sont connus. C'est assez étonnant. Hein. Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon. Ça évoque quelque chose à nos oreilles sans qu'on sache toujours vraiment qui ils sont. Non, c'est vrai, il y a toujours un petit doute. Gérard Jean-Jambre, justement dans ce regard que vous portez sur l'histoire du roman historique, est-ce que vous arrivez à voir une évolution, et notamment à partir des Rois Maudits, ces années 1950, Fortune de France, un peu plus tard, et puis aujourd'hui, il y a cette narration qui passe par la série, des continuités, des ruptures dans l'histoire du roman historique? Alors, il y a une production de romans historiques qui est tout à fait considérable, avec tout un éventail de possibles de l'écriture du roman historique. Alors effectivement, des séries, des interférences entre la saga familiale et la saga historique. Il y a des romans qui prennent totalement le parti de la fiction et utilisent l'histoire comme une sorte de cadre ou de décor, de toile de fond. Mais l'importance de cette production démontre le public attend, recherche ce genre de choses. Alors, je crois que une des évolutions, c'est l'agrandissement chronologique de du roman historique, puisque vous allez avoir des romans historiques préhistoriques, hein, vous avez des sagas préhistoriques, et puis vous allez avoir à peu près toutes les grandes époques, toutes les grandes civilisations de l'histoire de l'humanité qui vont être traitées sur ce mode littéraire, et vous allez avoir aussi donc des romans de l'imaginaire qui vont adopter les critères, les principes d'écriture des grandes sagas historiques. Ben, on a cité Game of Thrones, c'en est un très très bon exemple, hein, puisque le romancier qui a eu l'idée de commencer cette série dit qu'il s'inspire, hein, des rois maudits. Eh bien, justement, hein, Gérard Jean-Jambes, justement, George Martin, celui qui a créé Game of Thrones, ce succès interplanétaire, est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, non pas en vrai, en archive. Je lis des romans historiques depuis des années et j'ai étudié l'histoire depuis mon plus jeune âge. Donc, je connais les grandes lignes de l'histoire de nombreux siècles, certainement plus d'un point de vue anglais, mais c'est intéressant d'approfondir l'histoire. Et à un moment donné, j'ai découvert Le Roi de Fer, le premier tome des Rois maudits de Maurice Druon. Les tirages étaient épuisés aux États-Unis, mais j'ai réussi à trouver ce premier volume que j'ai adoré. Ensuite, je suis parti à la recherche des autres dans les librairies d'occasion ou sur Internet. Et puis j'ai trouvé un à un ces livres poussiéreux. L'histoire est géniale. Elle est pleine de personnages extraordinaires. Il y a la malédiction des Templiers, l'affaire de la Tour de Nesle. C'est tellement riche. Il y a du sexe et de la violence, des trahisons et des coups de théâtre. On dirait quelque chose d'écrit par Dumas ou un autre écrivain du même genre. Mais ici, tout est réel. Ça s'est vraiment passé. Du moins, une grosse partie de l'histoire. Mais bon, je pense que Druon en a rajouté un petit peu, mais ça reste très bon. George Martin, le créateur de Game of Thrones, traduit par Michel Zlotowski, avec tout ce qu'il faut, hein, le sexe, la violence, la trahison, c'est essentiel. Non mais c'est vrai, c'est aussi ce qui porte le récit, mais il n'y a pas que ça. Bart Van Loo, les sources historiques, nous le savons bien, sont discriminantes. C'est les puissants qui laissent des sources, ce sont souvent les hommes. La forme du récit historique permet de laisser peut-être plus de place à ceux et à celles qui sont souvent oubliés. Alors, il y a des puissantes, hein, pour les rois maudits, il y a la terrible tante Mao, etc. Mais non, le récit historique permet aussi de développer certains personnages dont les sources sont manquantes. Oui, par exemple les artistes. Il y a eu Huizinga, Huizinga, qui est quand même connu en France aussi, avec le déclin du Moyen-Âge, l'automne du Moyen-Âge, c'est ça, qui a fait quelque chose de spectaculaire pour la première fois dans l'histoire. Il a essayé d'expliquer l'histoire à travers le prisme des arts. Après, c'est drôle, tout le monde a crié au génie, mais après, dans les travaux universitaires, on ne l'a pas tellement suivi. On s'est replié sur l'économie, la politique, etc. Alors justement, moi, j'ai essayé de mettre les artistes au premier plan, de renouer avec le fil lancé ou commencé par Huizinga. Et là, par exemple, c'est des artistes complètement inconnus. Philippe Lardy, par exemple, quand il va construire un monastère à Dijon, à Chamold. D'ailleurs, George Martin, il est allé là-bas, hein, pour regarder les vestiges de Chamolles. Il a eu raison, hein. Et il fait, et ça, là, ça devient intéressant, il va attirer les artistes les plus forts du Nord qui viennent à Dijon. C'est des gens comme Klaus Schlüter. C'est un sculpteur de Harlem. C'est celui qui a fait ces magnifiques pleurants qui sont à Dijon. Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, à l'autre bout des ondes radiophoniques, après 7 heures passées avec nous, s'il vous plaît, montez dans votre bagnole, allez directement au musée des Beaux-Arts à Dijon, agenouillez-vous devant les pleurants et voyez l'albâtre respirer et pensez à ce moment-là que c'est quelqu'un qui vient de chez nous, du Nord, qui est né à Harlem, a pris son métier à Bruxelles et finalement et qui a écrit peut-être le plus beau du plus beau à Dijon. Mais il y a aussi Melchior Broederlam, le peintre, le premier peintre qu'on connaît en Flandre, de nom, grâce à la comptabilité bourguignonne, parce que sinon on n'aurait pas connu. Pareil pour quelqu'un comme Jean Malouel, qui est, en fait il s'appelle Johan Malouel de Nimègue, premier peintre hollandais. Alors j'ai dit deux fois premier, et ça c'est très intéressant, parce que on assiste à quelque chose de fondamental. On assiste à la naissance, au début de notre histoire artistique, l'histoire des arts, et non pas dans le Nord, chez nous en Belgique ou aux Pays-Bas, mais à Dijon. Et ça, c'est incroyable. Nous, les Belges, les gens du plat pays, nous sommes nés dans les arts. Dans notre histoire, l'art précède la politique, n'est-ce pas ? Une idée d'origine magnifique. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, je l'ai nulle part, mais je le vois, qu'on voit que ces artistes qui viennent du Nord, qui de Nîmes, de Bruxelles, de Dieppe, qui se retrouvent à Chamol, qui vont parler là leur variante du moyen néerlandais, du moyen français, et qui travaillent ensemble. Et on voit là, pour la première fois dans l'histoire, life, en action, le concept des plats pays. Donc, avant, deux générations avant que cette unité existe sous Philippe le Bon, sur le plan politique, étatique, etc., on a déjà cette unité sous Philippe Lardy dans les arts. Moi, je trouve ça excitant. Mais c'est excitant, et puis c'est cette passion qui nous porte tous, dont parlait Gérard Jean-Jambes, cette passion française pour l'histoire, mais pas que française, hein. Nous l'entendons bien avec vous, Bart Bandelot. Et puis, Gérard Jean-Jambes, au moment de penser la fiction historique, très vite, face au succès littéraire, c'est un commerce qui se met en place, toujours dans cette idée, comment classer les ouvrages romans, romans historiques, récits historiques. Il y est aussi question d'édition, de librairie, où ranger le livre. C'est ça aussi qui construit en fait la place des différents genres. Bien sûr. Et le roman historique, au XIXe siècle, n'a pas de difficulté pour être classé dans le genre roman, mais au fur et à mesure qu'il va entrer dans une catégorie autre qui est la littérature populaire au XIXe siècle, on évoquait tout à l'heure Zévaco, mais ça commence vraiment avec Alexandre Dumas, eh bien la littérature populaire va être malheureusement frappée d'une forme de discrédit, on considérera que ce n'est pas de la très très grande littérature, et le roman historique est classé dans la littérature populaire, va être, sinon mal jugé, en tout cas regardé d'une manière un petit peu condescendante, et il faudra attendre les années 60-70 pour repenser la littérature populaire comme partie intégrante de la littérature et de ne plus établir de hiérarchie qui en réalité ne trahissent ou ne traduisent que des préjugés idéologiques. C'est important aussi de le rappeler. Et puis, puisque je parlais de l'endroit où est rangé le livre, parce que les gens vont chercher Les Téméraires dans la librairie, c'est un vrai souci d'éditeur, en l'occurrence, oui. C'est Flammarion. Où va être le livre Les Téméraires, Bart Bandelot? Où se trouve-t-il? Parce que tout auteur va dans les essais, vous avez en France, vous avez les essais comme grande classification. Parfois, vous parlez de narrative non-fiction, c'est drôle. Alors, vous utilisez l'anglais en France, sans doute parce que c'est un genre anglo-saxon. Et c'est plutôt ça, c'est de la non-fiction narrative. Chez nous, aux Pays-Bas, on dit de la non-fiction littéraire. Moi, j'aime bien cette expression d'épopée scientifique. Évidemment, on n'a pas de dans les FNAC, on ne voit pas de rayon épopée scientifique. Mais je crois que c'est un peu ça. Mais ça reste... Ce n'est pas un roman, je ne dénature pas, enfin je n'invente rien, mais quand même c'est une épopée. Oui, une épopée. Puis, cette épopée qu'on va retrouver, c'est vrai, c'est d'autres auteurs historiens par leur profession qui vont tenter. C'est pour ça que la porosité en fait est à souligner. Ça ne sert à rien d'essayer de cloisonner. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Non. Donc la seule certitude qui reste dans toute cette histoire, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Et pour les Français, n'oubliez pas que ces ducs de Bourgogne ont été importants dans votre histoire. Vous pouvez vous en enorgueillir. Ils ont créé un nouvel État en Europe. C'était finalement que des Français quand même. Donc, oui, c'est vrai. Retrouvez-le sous le tapis national. Écoutez, merci beaucoup Bart Bandelot. Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l'Europe. Et merci aussi à vous, Gérard Jean-Jambes, avec toute l'analyse sur le roman historique. Vous avez publié un ouvrage sur ce sujet. Et puis Balzac, le forçat des lettres. Et pour le moment, nous retrouvons un autre forçat des chroniques historiques. C'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous qui a dénoncé la Gestapo fiscale? Au début des années 50, les petits commerçants et les artisans français ont dû faire face à une pression croissante du fisc. Les contrôles se multiplient et les sanctions deviennent d'autant plus fréquentes que la plupart d'entre eux ne tiennent pas de comptabilité et ne respectent pas les nouvelles règles imposées par l'administration. Ces contrôles les choquent d'autant plus qu'ils considèrent leur arrière-boutique comme un lieu de travail et donc comme un sanctuaire de leur vie privée. Le 22 juillet 1953, un certain Pierre Poujade, conseiller municipal de Saint-Céré, un paisible village du Lot, est prévenu que le marchand de chaussures du coin va subir un contrôle fiscal. Poujade réunit chez lui les commerçants et artisans du village et décide de barrer la route aux contrôleurs du fisc dépêchés sur place. Un nouveau contrôle est décrété en novembre de la même année avec l'appui de la police. Mais une fois encore, la farouche résistance des commerçants met en échec l'agent du fisc. L'échauffourée de Saint-Céré, largement relayée par la presse, met le feu aux poudres. Le slogan de Pierre Poujade dénonçant la Gestapo fiscale encourage un grand nombre d'artisans et de petits commerçants à se lancer dans l'action. En quelques semaines, 60 départements connaissent des incidents. De Lille à Marseille et de Strasbourg à Bordeaux, le nom de Poujade devient synonyme de résistance au fisc. Peu de temps après, une nouvelle étape est franchie avec la politisation du mouvement. Le 29 novembre 1954 est fondée l'Union de défense des commerçants et des artisans, l'UDCA, dont le siège se situe précisément à Saint-Céré. Dans plusieurs villes du pays, des commerçants et des artisans décrètent la grève générale. C'est le cas à Carcassonne, quand la rumeur d'un contrôle fiscal à l'encontre du président départemental de l'UDCA commence à circuler. À Rodez, à Argentat, à Marseille, les sympathisants poujadistes affrontent les CRS Manu Militari. Des révoltes éclatent à Riom, à Murat, à Saint-Flour. Parfois, les sympathisants poujadistes n'hésitent pas à marcher jusqu'au centre local des impôts dont ils enfoncent l'entrée afin de brûler les déclarations. Très vite, l'UDCA s'implante sur tout le territoire national, au point de revendiquer 500 000 adhérents en 1955. Ce succès pousse les militants à se présenter aux élections législatives sous l'étiquette Union et Fraternité Française, UFF. Leur principal slogan « Sortez les sortants » fait mouche. Le 2 janvier 1956, à la surprise générale, 52 députés de l'UFF sont élus. C'est un parti corporatiste et nationaliste qui défend l'Algérie française et refuse l'intégration européenne. Parmi ses adhérents, un certain Jean-Marie Le Pen est élu député du premier secteur de la Seine à l'âge de 27 ans. Mais il démissionne de l'UFF en 1957 pour participer à la fondation du Front National des Combattants, le FNC, fer de lance du combat de l'extrême droite contre l'indépendance de l'Algérie. Les dissensions internes et le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958 vont briser net le courant poujadiste, mais celui-ci ressurgira par la suite sous d'autres formes. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Pierre Faucillon, une émission préparée par Anne-Toscane Judès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes ainsi que le pourquoi du comment sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.